Tengo que hacer lo que vivas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. Puto. Y'a personne qui nous a fait manger, fils de pute, j'oublie pas ceux qui m'ont pas harassé. La vérité, j'ai pas de grand, mais chèque de balle 5, c'est le prix d'une calache. Au repère, on est dans les parages, voiture volée calée dans le garage. Gueudre dans l'emballage, si tu la veux pas cher, faut passer les péages. Mentalité, vive la brutalité, j'ai grandi dans la tête, on est bon calibré. Les grands calibrés, la banalisée. Pour le trafic, faut la qualité. Prends la qualité, on met le tarot. L'impression d'être suivi, j'en deviens paro. Mature parce que j'ai grandi sans daron, c'est la hure. Mais quand ça pue, c'est pas marrant. Je m'en vais, maîtrise le trafic de dans la quiche, t'as pas de rouge, pas de bleu. Toujours des terres, tu sais qu'on est plus cheap. On prend tout à petit feu. Zéro grand frère, des gérards, j'en ai plus deux. Les affaires, faut les vider, j'ai perdu des frères. Ceux qui sont partis au ciel, et ceux qui sont arrivés. Le gendarme m'a dit, mon fils, toi, si tu savais. L'argent sale, ça dure qu'à dame, même si c'est des gros salaires. Ça t'a pas ton avis, prenez ma paix, c'est des affaires. J'ai big rap depuis trop longtemps, je connais la drogue et ses saveurs. De lundi à lundi, le terrain tourne, faut j'ai repère. Mon premier TP à 15 ans, demande à Boski, on fait pas de plaie. Chez nous pas de comédie, on sait qui dort, on sait qui sert. Tous les étés, je suis en 700, sur le BHD, en roue pépère. Des négros capuchés dans l'auto, ça vise pas les jambes si ça déboule en moto. C'est fini l'époque où je faisais des mi-temps avec une mousse ou chicha en 10 de moteur. Je remercie la team, on est resté soudé. Quoi qu'il arrive, j'irai jamais douter. On n'a jamais sucé, on n'est pas des PD. J'en connais qui critiquent mais qui aiment écouter. Merci au gros, merci à Curtis Crozer, merci à toute la team. On reste les mêmes, c'est pas un paquet de fric qui fera qu'un jour on frime. Faut rester humble, peu importe la somme, chez qui est vrai. C'est pas ton petit cul qui va nous diviser, l'équipe est solide comme la paix. Laisse nous faire, on maîtrise le trafic de dans la quiche, t'as pas de rouge, pas de bleu. Toujours des terres, tu sais qu'on est plus cheap. On prend tout à petit feu, zéro grand frère. Des gérards, j'en ai plus deux. Les affaires, faut les vider, j'ai perdu des frères. Ceux qui sont partis au ciel, ceux qui sont arrivés. Le gendarme m'a dit, mon fils, toi, si tu savais. L'argent sale, ça dure qu'à dame, même si c'est des gros salaires. Ça t'a pas ton avis, prenez ma paix, c'est des affaires. J'ai big rap depuis trop longtemps, je connais la drogue et ses saveurs. De lundi à lundi, le terrain tourne, faut j'ai repère. Mon premier TP à 15 ans, demande à Boski, on fait pas de plaire. Chez nous pas de comédie, on sait qui dort, on sait qui sert. Tous les étés, je suis en 700, sur le BHD, en roue pépère. Non. Merci au gros, merci à Curtis Crozer, merci à toute la team. On reste les mêmes, c'est pas un paquet de fric qui fera qu'un jour on frime. Faut rester humble, peu importe la somme, chez qui est vrai. C'est pas ton petit cul qui va nous diviser, l'équipe est solide comme la bête.